Alléluia. Alléluia. Le chant que nous allons chanter ce matin s'intitule « Seigneur, aie pitié de nous ». Alléluia. Alléluia. Nous prions que le Seigneur puisse avoir pitié de chacun de nous. Nous sommes tous ses pécheurs, n'est-ce pas? Alors, si vous connaissez le chant, chantez-le avec nous. Alléluia. Tu m'as fait dire la promesse qui brûle dans mon cœur, Seigneur. Seigneur, j'ai oublié les mots que tu m'avais dit. Pardon mon incroyance, ranime le feu en moi. L'intelligence renouvelée, j'ai compris ce qu'ils n'ont pas compris. Aller à l'église tous les dimanches, le seul moyen d'y parvenir est de recevoir Jésus-Christ. Oh, Est-ce que tu peux fermer les yeux? Lève les mains et dis, Seigneur, aie pitié de moi. Tu n'as pas besoin de connaître le chant. Tu peux seulement prier, demande, Seigneur, aie pitié de toi ce matin. Oh, moi, Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Christ, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié, Christ, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié, Seigneur. Seigneur, merci ce matin. La parole dit que tous ceux qui viennent à toi et s'humilient et demandent pardon, Seigneur, tu les pardonnes. Et ce matin, nous sommes ici, nous reconnaissons notre état, Seigneur, et te demandons de nous pardonner une fois. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes ce matin. Merci pour l'opportunité de te servir, Seigneur. Et nous sommes là une fois, Seigneur, bénis-nous une fois. Par cette parole qui guérit, cette parole qui bénit, Seigneur, cette parole qui illumine nos sentiers, Seigneur, ce matin. Seigneur, que nous ne rentrons pas les mêmes personnes, mais nous sortons de ces salles bénies et transformées, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Wow. Est-ce que tu peux tourner, regarder ton voisin et puis lui donner un sourire en disant bonjour? Alléluia. Hein? Parfois, il y a des voisins qui ne parlent pas. Alléluia. Ils sont là, mais ne parlent pas. Alléluia. Mais ce matin, il faut se réconcilier. Et puis, dis bonjour. Alléluia. Ok. Et donc, ce matin, nous allons essayer de continuer avec notre sujet. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Ce que signifie être humble comme un serviteur. Alléluia. Être humble comme un serviteur. Être humble comme un serviteur. Alléluia. L'évêque a dit quelque chose que un jour, il était allé en mission. Ça faisait partie de ses études de médecine. Alléluia. Et puis, il était allé dans un village. C'est comme un stage qu'on l'envoyait faire dans un village au Ghana ici. Et durant ce temps, il avait un CD qu'il écoutait, donc un grand homme de Dieu. Alléluia. Et donc, durant l'écoute de ce message, le Seigneur l'a oint. Alléluia. Il a dit que lorsqu'il écoutait le message, il avait quelque chose qui est sorti du message, qui est entré en lui. Alléluia. Il a senti qu'il y a quelque chose qui est entré dans à sa poitrine ici. Alléluia. Et puis il a entendu une voix qui lui a dit que à partir d'aujourd'hui, tu vas enseigner. Tu peux enseigner. You can teach. Tu peux enseigner. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Il a dit que c'est cette onction qu'il a reçue et ce message que le Seigneur lui a donné. C'est ça qui l'a amené tout ce qu'il a aujourd'hui. Yeah. Yeah. Un jour, il a dit quelque part qu'un jour, il demandait au Seigneur que tu m'as dit que je peux enseigner. Et comment est-ce que je peux enseigner à tout le monde? Et le Seigneur a dit, les messages. Et un jour, il a dit, écris. Écris. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, il a dit qu'un jour, il a eu une vision, et puis il a vu une main qui écrivait. Et le Seigneur a dit, écris. Et donc, c'est en ce moment-là, il a commencé à écrire les livres. Alléluia. Et si tu étais à la convention, je suis sûr que tu ne vas pas oublier les témoignages des gens, hein, des Russiens, des Philippiens. Les Philippiens? Il y a Philippines. Philippiens? Même chose? Aujourd'hui aussi. Pas dans la Bible. La Philippine. On les appelle comment? Philippiens? Toujours? Ah, ok. Les Indiens. Alléluia. Qui sont bénis par ces livres. Yeah. Yeah. Les Indiens. Les quoi? Les Mozambicains. Les Rwandais. Hein? Les Sud-Africains. Les qui aussi? Les Australiens. Les Européens. Les Russiens. C'est Russiens? Les Russes. Forgive. Les Français. Les Russes. Alléluia. Yeah. Qui utilise ces livres? Que nous-mêmes, qui sommes ses enfants, on ne lit même pas ses livres. Yeah. Il a dit quelque chose. Il a dit que certains de ses livres sont des livres de prospérité. Mais le titre, tu ne vois pas prospérité. Yeah. Et l'un de ses livres, c'est ce livre. Livre de prospérité, c'est ce livre. Mais tu ne vas pas avoir prospérité, donc tu vas même pas lire. Tu vas même pas acheter. Yeah. Il y a beaucoup de ces livres sont des livres de prospérité. Mais lui, c'est pas la prospérité qu'il cherche. Il cherche Dieu. Dans le titre, tu vas voir le titre, c'est pas intéressant, c'est pas attirant, c'est pas merveilleux, c'est pas quelque chose qui va, oh, ce livre. Mais c'est un livre de prospérité. Hein? Formule pour l'humilité. C'est la prospérité. Yeah. Yeah. Les opportunités. Tu connais le livre, Les opportunités? C'est un livre de prospérité. Yeah. Ah. Et puis, il y a ce livre, ce gros livre, comment on l'appelle? Ce gros livre-là. Là, pourquoi? Là, quoi? Art of leadership. L'art de quoi? L'art pour le leadership. L'art pour le leadership. Il a dit une église en Inde, un Indien. Il dit que ce livre, c'est comme c'est leur deuxième Bible. Ils étudient ça. C'est un livre de prospérité. Yeah. C'est un livre pour les gouvernements. Yeah. Yeah. Les présidents, les ministres, c'est un livre pour eux, mais on n'a pas écrit là-dessus. Tu vas voir l'art pour le leadership. Oh, l'art pour le leadership. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces livres, la loyauté des loyautés. Hey! Il y a les présidents qui utilisent ce livre. En Russe, Russie. Yeah, Russie. Et puis, il y a un autre pays. Les ministres sont en train de lire ce livre. Yeah! Yeah! L'art de leadership. Il y a les Richards qui utilisent ce livre. Yeah. Il disait qu'il y avait un gars qui n'était pas chrétien, il ne croyait pas en Dieu. Mais il lisait ce livre. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Le jour-là, le Seigneur dit, tu peux enseigner. Avec cette onction, tu peux enseigner. Il croyait que, ok, maintenant je peux prêcher la parole de Dieu. Sans savoir qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il dit qu'aujourd'hui, les invitations pour aller parler, pour aller prêcher, il n'arrive même pas à répondre à cette invitation. Il dit à son secrétaire que c'est, non, ça va, non, je peux pas aller. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'invitent. Pour seulement parler pour 30 minutes. Il n'arrive même pas à aller. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc si lui, il est loin, et puis il est béni tel qu'il est comme aujourd'hui, nous aussi, comme enfants, nous pouvons aussi être bénis. par ses livres. Yeah. Par ses livres. Par ses livres. Et chaque fois, je disais ici que c'est, il dit chaque fois que il ne reçoit pas de un Ghana CD de ses livres comme bénéfice depuis qu'il a commencé. Yeah. Il ne reçoit pas. Lorsque tu achètes le livre, c'est pour imprimer des copies. C'est pour imprimer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Ça là, on les vend 5 Ghana CD. Au lieu que c'est combien de Ghana? 20 Ghana. 20 Ghana là, c'est pour l'imprimante. C'est pas que oh, l'imprimante, c'est 5 Ghana et puis le reste, c'est son bénéfice. Non. Les 20 Ghana, c'est pour imprimer. Parfois, il dit que 20 Ghana, ça ne suffit même pas pour imprimer le livre. Parce que c'est imprimé avec à une haute qualité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Donc, les livres. Voir que durant les croisades, durant les conventions, durant les séminaires, ils distribuent ça gratuitement. Beaucoup de milliers de copies, ils distribuent gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui ne cherche pas de la prospérité. Yeah. Si tu cherchais la prospérité, oh, tu vas acheter ça là à 30 Ghana, 50 Ghana. Yeah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc nous sommes bénis. Ce que je suis en train de dire, ça fait partie de la prédication. Ça fait partie de la prédication. Hein? Ça fait partie de la prédication. Yeah. Le premier verset de ce livre. Jacques chapitre 4 verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça veut dire quoi? Prospérité. Prospérité. Yeah. Élévation, c'est quoi? Promotion. Réussite. Examen. Alléluia. Hein? Promotion. Promotion. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez ce que je dis? Donc, si tu as le livre et tu étudies et tu appliques, c'est ça même. Appliquer. Tu vas voir combien de fois le Seigneur va t'élever. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Donc, les livres, la Bible et les livres. La Bible. Alléluia. La Bible. Si d'autres personnes sont bénies, et nous. Si d'autres personnes sont bénies, ils lisent la Bible, ils connaissent plus que nous-mêmes. Yeah, ça fait honte. Ça fait honte. Parfois. Pour nous. Pour nous, ses enfants. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yes. Yeah. Donc, ce que signifie être humble comme un serviteur. Yeah. Être humble comme un serviteur. Ce que signifie. On a vu beaucoup de raisons, beaucoup de choses qui signifient. Alléluia. Yeah. Être humble comme un serviteur. Hein, quand vous êtes humble comme un serviteur, vous honorez les maîtres que Dieu a placés au-dessus de vous. Wow. Les maîtres. Alléluia. Les maîtres. Hein? On a parlé de ça la semaine passée. La Bible nous recommande d'honorer les pères, les mères. Alléluia. Les pasteurs, les enseignants, les maîtres. Yeah. Qui est-ce que tu honores? Qui est-ce que tu honores? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Alléluia. Quand vous êtes humble comme un serviteur, vous attendez les instructions patiemment. Wow. Patiemment. Un serviteur attend des instructions. Alléluia. Amen. Attends. Matthieu 8, verset 9. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Je ne sens pas que vous êtes là, ou bien à cause du bruit. Car moi, qui suis soumis à des sujets supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Et il va. À l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Alléluia. Le serviteur attend patiemment les instructions de son maître. Et donc, si tu es humble, comme un serviteur, tu vas attendre patiemment. Patiemment. Patiemment. Patiemment. Tu vas attendre patiemment la fin du culte. Tu ne seras pas pressé pour aller à la maison. Tu vas attendre patiemment la fin de la réunion. Tu vas attendre patiemment la fin de la répétition. Tu attends patiemment. Tu vas attendre patiemment pour voir. Parfois, les gens ne sont pas patients pour m'attendre. Ils veulent me voir. Mais ils ne sont pas patients. Partent. Oh, le pasteur, il est occupé, il n'est pas prêt pour me voir. Et puis, ils sont partent. Yeah. Ça ne montre pas un signe, ça ne montre pas l'humilité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. L'une des caractéristiques de Lighthouse, c'est la capacité d'entendre. Yeah. D'attendre. D'attendre patiemment. Attendre patiemment la fin du culte. Attendre patiemment pour le commencement de la réunion. Alléluia. La réunion commence à 8 heures. On arrive à 8 heures, c'est pas commencé. Attendre que la réunion commence. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? C'est une des caractéristiques. Attendre. Et ça nous a béni beaucoup. L'église, ça a béni beaucoup l'église. La capacité d'attendre. Si tu ne peux pas attendre, tu ne peux pas servir Dieu. Il y a beaucoup de choses qui passent dans nos vies qu'on doit même attendre. Si on ne peut pas attendre, on ne peut pas servir Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est une caractéristique d'un serviteur, de quelqu'un qui est humble, qui veut servir le Seigneur. Et le Seigneur, on doit être patient avec le Seigneur. Hein? Ou bien c'est le Seigneur qui est patient avec nous. C'est nous. Parce que le Seigneur est toujours là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, on doit avoir la capacité d'attendre. Alléluia. Wow. Quand vous êtes humble, comme un serviteur, vous pouvez être envoyé n'importe où. Alléluia. N'importe où. N'importe où. Alléluia. Yeah. N'importe où. N'importe où. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas être envoyées. Hein? Ils ne veulent pas aller dans les villages, dans les quartiers pour aller évangéliser. Hein? C'est ça qui fait que on peut envoyer des missionnaires dans les villages. Dans les pays, dans les villages lointains. Où il n'y a pas d'électricité. Hein? Il n'y a même pas de voiture. On va, marche dans la brousse. Pour aller de maison à maison. Alléluia. Yeah. Un serviteur est prêt pour aller n'importe où. N'importe où. N'importe où. Alléluia. Yeah. Quand vous êtes comme un serviteur, vous n'avez pas besoin d'être remercié ou bien quand vous exprime une quelconque reconnaissance. Yeah. Yeah. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui est sous ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Alléluia. Yeah. Tu n'as pas besoin d'être remercié si tu es serviteur de Dieu. Yeah. Yeah. Alléluia. Yeah. Tu ne dois pas être remercié. Ça, c'est Luc 17, verset 10. Ou bien d'être reconnu. Quand nous aurons l'humilité de Christ, nous serons comme des serviteurs qui n'ont besoin ni de reconnaissance, ni d'éloge, ni appréciation. Alléluia. Éloge, c'est quoi? Éloge. Éloge, c'est quoi? Quoi? Compliment. Éloge. Éloge. Yeah. Les gens viennent à l'église et sont offensés parce qu'on n'a pas mentionné leur nom. Yeah. On n'a pas mentionné ton nom. On ne t'a pas vu. Le pasteur ne m'a pas vu. Il m'a dépassé comme ça. Sans me voir. Avec ses gros yeux. C'est deux même, c'est deux. Deux gros yeux. Il n'a pas vu. Il ne m'a pas salué. Hein? Ou bien après avoir chanté, le pasteur n'a pas reconnu ma voix. Yeah. Yeah. J'étais là tôt pour arranger les chaises. Le pasteur ne m'a pas reconnu. M'a pas dit merci. Yeah. Le serviteur n'attend pas d'être remercié. Il fait seulement. Yeah. C'est vrai ou bien c'est faux? Yeah. Mais les gens veulent être, on doit mentionner leur nom. Avant de faire, sinon ils ne vont plus continuer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Le serviteur n'a pas besoin qu'on lui assigne une quelconque reconnaissance. Non. Si on dit merci, c'est ça. C'est bon. Si on ne dit pas, c'est bon. Ou bien? Yeah. Dis pas, c'est bon. C'est bon. Tu viens à l'église, ok. C'est en toi et Dieu. Ou bien? Tu veux servir le Seigneur, c'est tout. Tu veux servir le Seigneur. Alléluia. Yeah. Je me rappelle, le Seigneur m'a reprimandé parce que je regardais le berger, mon berger. Yeah. Je regardais mon berger. Et le Seigneur m'a réprimandé, dit que est-ce que c'est à cause d'une personne que tu es là? Est-ce que c'est à cause d'une personne que tu es à l'église? Il y a longtemps, le Seigneur m'a réprimandé. C'est pas à cause d'une personne que nous sommes ici. Alléluia. Yeah. Nous sommes ici pour servir. Si tu amènes la chaise et puis tu mets la chaise ici, c'est pour Dieu. Et c'est Dieu qui va te récompenser. C'est pas une personne. Moi, qu'est-ce que j'ai pour te dire, pour te récompenser? Je n'ai rien pour te récompenser. C'est Dieu qui doit te récompenser. C'est pas une personne. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Yeah. Les gens viennent faire quelque chose, on dit ok. Et puis, tu veux faire, c'est pourquoi on fait ça devant. On veut faire ça devant le pasteur. Pour que le pasteur voit, dit, oh, yeah, tu as bien fait, ok, là-bas. Là, tu te sens très bien. Oh, oui, c'est moi. Tu sais ce que la Bible dit? La Bible dit que tu as reçu ta récompense. Donc, tu n'as pas besoin de récompense qui vient de Dieu. Yeah! Yeah! Yeah! Est-ce que vous comprenez? Yeah! Moi, si je te fais quelque chose, il ne faut pas me remercier. Parce que lorsque tu me remercies, tu as pris la récompense qui devait venir de Dieu à moi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez? Vous comprenez? Yes. Vous ne comprenez pas? La Bible dit que lorsque tu fais ça pour recevoir des éloges, des appréciations, tu as déjà reçu ta récompense de ces personnes qui t'ont dit merci. Yeah. Yeah. Parce que lorsque tu fais, c'est Dieu qui doit te récompenser. Pas une personne. Donc, lorsque une personne te dit merci et puis tu sens très bien, c'est fini. C'est fini. Yeah. C'est fini. Va lire, allez lire Matthieu. Matthieu 6. Yeah. Va aller lire. Yeah. C'est pourquoi il dit, mais lorsque tu pries, va dans ton coin et puis prie. Parce que lorsque tu vas, oh, là, et puis tu sautes, tu fais pour que les gens sachent que tu es en train de prier. Les gens vont dire, oh, le gars là, il prie, hein. Il prie bien, hein? Le gars là, il est fort. Il est puissant. La Bible dit que tu as reçu ta récompense. C'est fini. Pas plus de récompense. Les gens t'ont donné la récompense. Va aller lire Matthieu 6 et 7. Lorsque tu pries, c'est pourquoi il dit, lorsque tu pries, va dans ton coin, dans ta chambre, et puis prie. Alléluia. Yeah, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier à l'église. Ensemble. Alléluia. Yeah. Lorsqu'on prie ensemble à l'église, Tu ne dois pas prier pour faire, pour que les gens disent que tu sais comment prier. Yeah, parce que c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Pas même se cacher. Parce que tu peux te cacher et puis dire, oh, moi j'ai prié pour 5 heures de temps aujourd'hui. J'ai prié pour 5 heures de temps. Elle dit, wow. Le wow là, c'est ta récompense. Yeah. Le wow là, c'est ta récompense. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez la parole de Dieu? Donc, tu n'as pas besoin d'être récompensé. C'est la prospérité, oh. C'est la prospérité. Tu ne dois pas être récompensé. Laisse le Seigneur te récompenser. Et c'est là que tu auras la prospérité. Alléluia. Donc, si tu viens à l'église, oh, berger, je suis là. Tu rencontres, berger, tu m'as vu, je suis là. Aujourd'hui, tu m'as pas parlé, moi-même, je suis là. Elle dit, oh, yeah, tu es là, oh, je suis content, tu es là. C'est fini ta récompense. C'est fini ta récompense. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Va tout le monde, un exercice de maison. Homework. Va à la maison, Matthieu 6, Matthieu 7. Tout le chapitre. Va voir. Donc, ne fais pas ça pour que les gens voient. Même si nous sommes ensemble, fais ça. C'est à Dieu. C'est avec Dieu. C'est du Dieu. Alléluia. Humilité, l'humilité, c'est dans le cœur. Comment est-ce que, lorsque tu fais là, qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Est-ce que c'est aux gens? Alléluia. Est-ce que c'est aux hommes? Est-ce que c'est aux femmes? Yeah. Est-ce que vous comprenez? C'est aux femmes, c'est pourquoi tu peux regarder dans le miroir, lorsque tu es en train de t'habiller, pour dire, Seigneur, est-ce que ça, c'est honorable? Est-ce que ça honore ton nom? Parce que la plupart des temps, lorsqu'on regarde dans le miroir, on est en train de penser aux gens. Comment est-ce que les gens vont regarder, ok. Donc, on est en train de faire les choses pour les gens, dire, oh, ah, j'apprécie ta structure, j'apprécie ta structure. Tu veux recevoir d'éloge. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oh, les gens sont pas contents avec moi. Les gens sont pas contents avec moi ce matin. Forgive. Hein? Ne fais pas ça pour les hommes. Ne fais pas. Prier, c'est pour Dieu. Lis la Bible. Oh, j'ai lu la Bible aujourd'hui. J'ai reçu une révélation. Et tu commences à nous donner la révélation. Les gens disent, waouh, les gars là, il est allé sur la montagne. La même montagne où Moïse est allé. Horeb, vous connaissez Horeb, c'est le mont Horeb. La personne allait là-bas ce matin pour rencontrer le Seigneur. Il est retourné dans les nuages avec sa révélation. Non, tu peux pas partager une révélation. C'est pour bénir quelqu'un. C'est pas pour montrer que toi là tu es. Non. Alléluia. Est-ce que ça va? Donc, on est en train de parler de servir. Servir. Tu es aquaba lady, c'est pour Dieu. Tu es chantre, c'est pour Dieu. Tu es musicien, c'est pour Dieu. Tu es choriste, c'est pour Dieu. Tu es là seulement dans la salle assis pour écouter la parole de Dieu, c'est pour Dieu. C'est pas pour les hommes. Et Dieu lui-même va te récompenser. Dieu lui-même. C'est pas un homme. L'homme n'a rien pour te donner. Rien. Il faut te méfier, surtout pour les gens qui te donnent beaucoup d'accolades. En anglais, on dit accolades. Éloge. Yeah. La plupart des gens, c'est pas vrai. C'est pour te tromper. C'est pour t'aider à être orgueilleux. Yeah, parce que lorsqu'on te dit tu te sens très bien, ta tête devient plus grande comme ça. Tu te sens. C'est pour t'aider à être orgueilleux. Yeah. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Fais ça pour Dieu. Tu viens à l'église pour Dieu. C'est pas pour montrer quelqu'un que tu es venu. Yeah. C'est pas pour me montrer que tu es là. Donc lorsque je te vois, je te salue même pas, ça ne te dit rien. Yeah. Je te dis pas bonjour. C'est pas par esprit. C'est pas, ça ne te dit rien. C'est pourquoi les gens viennent à l'église et puis on ne les salue pas, dire, ah ben, l'église là. Ils portent les habits noirs, ils sont là. Le président worship, regarde le président worship. Ils sont en train de chanter, lever les mains, mais ils ne saluent même pas. Donc dimanche prochain, ils ne viennent plus. Yeah. Yeah. Parce que tu viens avec une mentalité d'être reconnu que tu es important. Yeah. C'est un signe d'orgueil. Un signe d'orgueil. Yeah. C'est un signe d'orgueil. Alléluia. Est-ce que vous êtes béni ce matin? Wow. Je suis béni. Je suis béni. Yeah. Je suis béni. C'est un message de prospérité. Parce que la Bible, l'argent et l'or appartient à Dieu. Yeah. L'argent appartient à Dieu. Et donc, lorsque tu ne demandes pas d'appréciation, de reconnaître Dieu, te bénit lui-même. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? On va continuer la semaine prochaine. On va continuer la semaine prochaine parce qu'on va prendre les témoignages ce matin. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yeah. Yeah. Lorsqu'on dit le Seigneur t'aime, sans ces messages-là, il t'aime, il veut que tu prospères. Yeah. Il veut t'élever. Tu reçois ce message, c'est un message d'amour pour toi. Yeah. Quelqu'un qui t'aime te bénit. Yeah. Alléluia. Donc, fermez les yeux et dis Seigneur, si ce matin tu es là, c'est pour faire te voir. Tu veux que les gens te voient. Peut-être tu as porté un habit, tu as fait cheveux, peut-être ta présence seulement. C'est pour montrer à quelqu'un, pour recevoir une appréciation. Dis Seigneur, pardonne-moi. À partir de ce moment, je laisse, c'est à toi. Lorsque je m'habille, est-ce que l'habit t'honore? Lorsque je viens à l'église, est-ce que ma présence à l'église t'honore? Seigneur, je veux avoir cette attitude. Je veux pas recevoir des éloges ou bien des appréciations. Lorsqu'on me remercie, c'est bien. Mais c'est pas ce que je recherche. C'est pas ce que je recherche. Je veux que c'est toi-même qui me dis, oh, mon fils, tu as bien fait. Ma fille, c'est bon. Pas un homme. Les hommes vont nous remercier. Mais c'est pas ce que nous devons rechercher. Seigneur, merci ce matin. Est-ce que tu peux prier? Ferme les yeux. Et dis, Seigneur, je veux avoir cette humilité. Une humilité qui ne recherche pas de reconnaissance, d'appréciation, d'éloge, des mots de remerciement, Seigneur. Je veux te servir seulement. Je veux être un serviteur qui veut être là, qui veut faire pour toi, pas pour les hommes. Je veux lire ma vie, pas pour les hommes. Je veux prier, pas pour les hommes. Je veux venir, pas pour les hommes. Je veux chanter, pas pour les hommes. Je veux donner une offrande, pas pour les hommes. Je veux payer ma dîme, pas pour les hommes. Je veux pas montrer aux gens que je paie la dîme. Je veux pas montrer aux gens que je donne une offrande. Je veux pas donner aux gens que je fais un don, j'aide quelqu'un. Je veux pas aider quelqu'un et puis publier, dire que c'est moi qui ai aidé. Oh Seigneur, parce que les gens vont me remercier. Les gens vont dire et puis c'est fini. Selon ta parole. Seigneur, merci. Je veux être humble. Je veux seulement servir. Je veux seulement aider. Je veux seulement balayer, arranger. Je veux seulement faire quelque chose dans ta maison. C'est pour toi, pas pour les hommes. C'est pas pour le pasteur. C'est pas pour le berger. C'est pas pour mon ami. C'est pas pour l'autre personne. C'est pas pour les hommes, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. Je prie ce matin et je te demande, ce cœur, donne-moi ce cœur humble, ce cœur humble d'un serviteur, d'un enfant, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Fermez les yeux, je veux prier pour certaines personnes ici. Si tu es là, tu sais que tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'as pas pris une décision pour dire, Seigneur, je veux te servir. Mais tu es là ce matin. Tu veux dire au Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin du salut. Je veux pas aller dans l'enfer. La Bible dit qu'à moins qu'on ne naît de nouveau, on ne verra pas le royaume des cieux. Et ce matin, je veux dire, Seigneur, je veux aller au ciel. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main, on va prier. Lève la main, on va prier. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin du salut. Ma vie, lorsque je regarde ma vie, j'analyse un peu ma vie. Je réalise que non, c'est pas ça. C'est pas ce que tu recherches de moi. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux lever la main? Nous allons prier. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Je ne vois aucune main. Je ne vois pas les mains. Lève la main. Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Je sais que c'est, il y a une personne ici. Une personne. Si c'est toi, viens. C'est toi, viens. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de donner ta vie à Dieu ce matin. Si tu es là, viens. Je t'attends. Le Seigneur veut te sauver ce matin. Tu ne sais pas si tu auras cette opportunité de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu as l'opportunité maintenant. Au moins, tu es sûr qu'il y a une opportunité ici ce matin. Tu ne sais pas, lorsque tu sors de cette salle, il y aura une opportunité pour toi. Lève la main. Si tu es là, est-ce que tu peux venir devant? Tu peux venir devant. Tu n'as pas levé la main, mais tu veux venir. Viens. Mon frère, merci. Alléluia. Merci pour répondre à l'appel de Dieu. Nous tous fermons nos yeux et répète après moi. Dis, Seigneur, je te remercie. Tout le monde répète, Seigneur, je te remercie. Ce matin, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je dois faire cette prière ce matin. Seigneur, merci. Je crois que tu m'as envoyé Jésus pour comme sauveur. Et je le reçois ce matin comme mon sauveur. Je crois au sang et au sacrifice qu'il a fait sur la croix. Seigneur, merci. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi ce matin. J'ai besoin de toi. Seigneur, je vais te servir tout le reste de ma vie. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.